Cette signalisation est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la prochaine intersection, je pourrai continuer tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D.